peu fort, non? Vous avez reconnu la drum. Allez. 3, 4. Ça se décale, c'est pas facile, hein? batteur il est perdu le pot. Thank you. Fucking my drum. Pourquoi ça tombe? Thank you. Comment ça s'appelle cette chanson